Réflexion en forme de lettre au sujet d'un système prétendu nouveau, sur le mystère de la Trinité. Par Armand Boisbleau de la Chapelle. Examen de la nouveauté du système. L'auteur attribue à son système une nouveauté tout à fait singulière. Vous concevez bien, monsieur, que je serai fort court sur cet article. Ce que vous venez de lire doit vous y avoir préparé. Les sentiments, qui forment le prétendu nouveau système sur la Trinité, ne sont rien moins que nouveaux dans les annales de l'Église chrétienne. Ils ont l'un et l'autre plus de 14 ou de 1500 ans d'antiquité. Ce n'est pas à un homme aussi éclairé que vous l'êtes qu'il faut l'apprendre, et par conséquent je me dispenserai de toute discussion. Là-dessus, si je n'étais bien aise de vous faire sentir que l'auteur se donne à tort ou pour un prophète à révélation, ou pour un homme à découverte. À l'entendre parler, avant l'année 1729, jamais mortel n'avait eu les lumières qu'il communique au public. C'est par là qu'il débute, et qu'il continue, page 1. Tous les systèmes de la Trinité, dit-il, qui ont paru jusqu'à présent se sont écartés de l'écriture à l'égard de quelques points. C'est qu'aucun n'a compris la manière dont on pouvait concilier quatre ordres de passage de l'écriture. Personne de ma connaissance n'a cru qu'il y eût moyen d'expliquer ces quatre ordres de passage selon leur sens propre et naturel, page 6, sans mettre une partie de l'écriture en contradiction avec l'autre partie. Page 15. Le moyen de n'être ni trithéiste, ni arien, à moins que de devenir sabellien, ou de prendre le parti que les orthodoxes ont embrassé. Voilà la difficulté, et je crois pouvoir dire hardiment, fondée sur l'évidence, que Dieu m'a fait la grâce d'en trouver la vraie et l'unique solution. Il m'est venu dans la pensée que l'on peut concilier fort bien ces quatre ordres de passage les uns avec les autres, page 27. Depuis près de 2 ans ce système s'est offert à ma méditation, page 38. Mais comme il n'y a point de vérité inconnue, page 38, qui venant à s'établir n'ait rencontré des oppositions. Je ne crois pas que la crainte des oppositions puisse légitimement dispenser ceux que Dieu a fait les dépositaires de sa vérité, de la faire briller aux yeux des hommes. Ce langage est bien vain, ou bien fanatique. Il y a près de 1700 ans que le dogme de la Trinité fournit un sujet constant ou de méditation ou de dispute aux chrétiens. Il n'y a point de doctrine qui ait été plus tournée de tous les côtés. Depuis Simon le magicien, jusqu'à nos jours, les partis opposés des trinitaires et des unitaires se sont battus à toute outrance et ont produit leur système sous toutes les faces possibles. Cependant, s'il faut en croire l'auteur, la vérité s'ensevelit avec les apôtres. Depuis la mort de ceux qui la prêchèrent, elle a toujours été inconnue, tous les systèmes ont pris à gauche le sens de la révélation chrétienne, les ébionites, les valentiniens, les sabelliens, les ariens, les trithéites, les sociniens, les orthodoxes, etc. S'en sont tous écartés les uns plus ou moins que les autres, on ne connaît, dans cette longue suite de siècles, ni unitaire, ni trinitaire qui n'ait mis l'écriture en contradiction avec elle-même. Et ce n'est enfin que l'an 1729 que Dieu laisse découvrir cette vérité si longtemps, si vivement, et si vainement cherchée. Quel bonheur pour notre siècle que Dieu l'ait gratifié d'une connaissance fondamentale, qu'il avait refusé à tous ceux qui nous précédèrent, et quelle ne doit point être la satisfaction intérieure de notre illustre contemporain à qui Dieu a fait la grâce de voir dans l'Écriture ce que personne n'y avait jamais vu avant lui, et de l'y voir même avec l'évidence des démonstrations mathématiques. En quel sens peu honorable à l'auteur on doit reconnaître que ce système est nouveau? Je l'en féliciterais davantage si sa présomption me paraissait mieux fondée, mais à dire le vrai, le premier coup d'œil ne lui est pas favorable, et c'est bien pis quand on y regarde de près. Voici quelques-unes des observations que j'y ai faites. 1. La nouveauté du système ne consiste nullement dans la doctrine qui y est contenue. L'examen que j'ai fait de cette doctrine doit avoir démontré qu'elle n'est que le sabellianisme et que l'arianisme tout pur mis ensemble est défendu chacun par les mêmes ordres des passages de l'écriture dont les sabelliens et les ariens se sont servis de tout temps. À cet égard, il n'y a innovation ni dans la thèse ni dans l'épreuve, ni dans les moyens de défense. 2. S'il y a donc en ceci quelques nouveautés réelles, ce n'est que dans la jonction de ces deux systèmes, et la gloire d'avoir fait ce monstre n'est pas un de ces ouvrages dont un homme judicieux est sujet de se vanter. De tous les systèmes qui se sont faits sur le mystère de la Trinité, ceux de Sabellius et d'Arius sont les plus diamétralement opposés. Il n'y a pas plus d'opposition entre le blanc et le noir, entre le jour et la nuit, entre l'oui et le non. Tout le monde avait donc cru jusqu'ici qu'un homme dans son bon sens ne pouvait pas être arien et sabellien tout ensemble, qu'il fallait être fou pour adopter les deux propositions contraires, et que l'incompatibilité des sentiments était si totale, que ce serait se perdre d'honneur que d'entreprendre de les réunir. Dans cette opinion, qui est une vérité démontrée, comme je le dirai plus bas, personne n'avait encore formé cette entreprise. On avait eu ce respect pour l'écriture, pour le public, pour la religion, pour le sens commun, que de n'y pas songer seulement. Enfin pourtant il a paru, de nos jours, un homme qui a tenté l'aventure, et voilà le nouveau. L'exemple est curieux, et s'il est suivi nous verrons bientôt des systèmes bien rares, et bien surprenant tant en philosophie qu'en théologie. Nous en verrons qui poseront, pour principe également vrai, le doute et la connaissance, le plein et le vide, la divisibilité de la matière à l'infini, et son indivisibilité, le théisme et l'athéisme, la mortalité naturelle de l'âme et son immortalité naturelle, etc. Oh! Que cela sera commode. Oh, que cela sera neuf. Assurément ceci ne s'était point encore vu du temps de Salomon, ou bien il n'aurait pu dire ce qu'il disait des choses les plus étonnantes de son siècle. Ecclésiaste 1:3-10. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, regarde cela, il est nouveau. Il a été déjà dans les siècles qui ont été devant nous. 3. Ce que je vais dire s'est fait plus souvent dans tous les âges du monde, c'est de s'approprier les systèmes des autres, à la faveur de quelques changements dans les termes. En ceci l'auteur n'est pas si original, en volant à Sabellius, page 15, la clé de l'énigme, il a eu l'adresse de déguiser le larcin. L'union personnelle a été substituée à la diversité des dénominations, et bien que ce soit parfaitement la même chose, on ne peut disconvenir que les mots ne soient assez différents pour y faire soupçonner quelques différences d'idées. C'est encore un autre trait de la nouveauté du système. 4. J'y ajouterai celui-ci, c'est le secret que l'auteur a trouvé pour n'être en particulier d'aucune hérésie. Il y a du tout et de la finesse. J'ai déjà transcrit plusieurs fois les paroles, où il déclare solennellement, qu'il n'est ni arien, ni sabellien, non plus que trithéite, ou orthodoxe. Comment concilier ce qu'il dit avec les preuves du contraire que je viens de donner? Comment? Rien de plus aisé, il n'est ni sabellien, ni arien, il n'est ni l'un ni l'autre parce qu'il est tous les deux à la fois. Ceci encore est neuf, ou presque neuf. 5. Je n'indiquerai plus qu'une autre espèce de nouveauté dans cet ouvrage, c'est l'audace, qui témoigne l'auteur, à débiter, pour nouvelle, des opinions surannées, et à les produire avec autant de confiance que si jamais elles n'avaient été combattues, page 32. On me dira, dit-il, que quand mes sentiments seraient vrais, je ne devrais pas les rendre publics, à cause des troubles qu'une nouveauté de cette nature pourrait exciter dans l'Église. Page 36. Ces raisons devraient disposer les esprits des orthodoxes à revenir des préventions que ce qu'il y a de nouveau dans ce système ne manquera pas d'abord d'exciter en eux. Ils doivent regarder ces idées plutôt comme des éclaircissements que comme des changements effectifs. Page 37. À moins qu'ils ne veuillent renoncer aux maximes fondamentales de la réformation, il ne leur est pas permis d'opposer la prescription à l'écriture et à la raison. Ils se trahiront eux-mêmes s'ils font leur principal but de cette objection. Cela est nouveau. Nos pères ne nous ont pas enseigné cette doctrine, nous n'en avions jamais entendu parler. N'admirez-vous pas ces petits airs de hauteur? L'arianisme et le sabellianisme sont nouveaux pour les orthodoxes. Ces derniers n'en ont jamais entendu parler, ils n'auront que la prescription à leur opposer, et où en sommes-nous? Qu'on ose nous parler ainsi de deux vieilles hérésies qui ont été mille et mille fois détruites par l'écriture et par la raison? En vérité, la hardiesse de cet auteur est bien singulière, et ce n'est pas là le moindre nouveau de l'ouvrage. Mais tout ceci mérite peu de nous arrêter. Soit conclu que tout ce qu'il y a véritablement de nouveau, dans le système, est l'union du sabellianisme avec l'arianisme, et préjugé à part. Si cette union avait quelque avantage sur le sentiment orthodoxe, il ne serait pas juste que les noms seuls d'Arius et de Sabellius la firent rejeter. C'est ce qui me reste à considérer en examinant l'utilité du système. Utilité du système. Pompeuse idée que donne l'auteur des avantages et de l'utilité de son système. Il me faudrait copier le livre, presque d'un bout à l'autre, si je voulais rapporter ici tout ce que l'auteur y dit à l'honneur de ses découvertes. Peut-être qu'un peu plus de modestie n'aurait pas nui à l'ouvrage, et que sur une matière si délicate, et si fertile en son système, on s'attendrait naturellement à voir un théologien plus timide, quand il propose au public des ouvertures qui, selon lui, sont nouvelles. Celui-ci, persuadé que la défiance de soi-même fait plus de mal que de bien, ne tombe point dans ce défaut, et semble donner dans l'extrémité opposée. Ce qu'il propose est parfait, avertissement, on n'y peut rien ajouter que des réponses à toutes les objections faites et à faire, page 15, c'est la vraie et l'unique solution des difficultés. L'auteur est, page 28, en état de prouver par des démonstrations, aussi évidentes que des démonstrations mathématiques puissent être, que tous les articles qui composent son système sont fondés sur l'autorité de l'Écriture. Il ne sera pas besoin d'un long examen pour s'assurer que le sien s'accorde beaucoup mieux avec la raison et l'Écriture qu'aucun des autres systèmes. Celui-ci n'a rien de contradictoire ni de fait, ni en apparence. Il ne contient rien d'opposé à quelqu'une de nos lumières naturelles. Il ne renferme rien d'inintelligible. Il ne donne à aucun passage de l'écriture un sens forcé. Page 33. Il lève toutes les difficultés, tant du côté de l'écriture que du côté de la raison, il est nécessaire pour l'honneur de l'écriture sainte, et de la religion chrétienne, parce qu'il montrera aux athées, aux déistes, aux juifs, aux mahométans, aux païens, que notre religion n'est pas absurde, page 34, parce qu'il retranchera la principale cause de toutes les sectes qui ont divisé l'Église à l'occasion de ce dogme, parce qu'il ouvre à tous les partis le moyen de se réunir, parce que les catholiques romains ne pourront plus défendre les contradictions de leur dogme de la transsubstantiation par celle du dogme de la Trinité, et parce qu'enfin qu'une infinité de particuliers dans la communion des orthodoxes verront avec joie les doutes dissipés, ou cesseront d'être ariens, sabelliens et trithéites, comme ils l'ont été jusqu'ici peut-être sans le savoir. Il faut bien en rabattre quand on l'examine de près. Vous m'avouerez, monsieur, que c'est la savoir s'annoncer, il s'agit d'un sujet qui, depuis la prédication de l'Évangile, a paru le plus épineux de la religion chrétienne, qui a causé, dans l'Église, mille divisions scandaleuses, qui a souvent exposé la doctrine de Jésus-Christ à l'insulte des infidèles, et dans lequel, quelque parti que l'on prenne, on trouve toujours des difficultés accablantes. De quelle utilité donc ne doit pas être un système qui ne laisse plus rien de difficile dans ce mystère, qui va réconcilier tous les esprits, qui rétablira la paix parmi les chrétiens, et qui fermera la bouche aux athées? Sur des promesses si magnifiques, il n'est personne qui ne souhaita qu'elles fussent réelles, et je vous assure, monsieur, que si j'y voyais quelque apparence de réalité, je serais des plus zélés à les faire valoir. Mais comme un peu d'attention m'a découvert que ce n'est là qu'une vaine fumée, je me crois obligé de faire mes plus sincères efforts pour empêcher que l'illusion se répande. Pour réussir dans ce dessein, je ferai deux choses. Premièrement, je montrerai que ce système n'est réellement utile qu'aux esprits faux, pour éterniser les disputes, et que par conséquent il déshonore entièrement la religion de Jésus-Christ. Après quoi je déduirai en détail quelques-unes des contradictions et des difficultés dont il est chargé, tant du côté de la raison que du côté de l'écriture. Ce système ne convient qu'à des esprits faux pour éterniser les disputes. 1. Ce système n'est réellement utile qu'aux esprits faux pour éterniser les disputes. Vous avez déjà pu vous en apercevoir, en lisant une des observations que j'ai faites sur l'article de sa nouveauté. J'ai remarqué que ce système n'est que la jonction de deux autres, qui sont entre eux les plus diamétralement opposés, de tous ceux qui se sont jamais faits sur ce dogme. Le sabellianisme et l'arianisme, qui le composent, sont, en fait de spéculation, ce que l'on peut imaginer de plus extrême dans les diverses opinions qui divisent les chrétiens sur cette matière. Le sabellien ne reconnaît qu'une seule personne divine, et l'arien en veut trois. Le sabellien n'admet qu'une trinité nominale, et l'arien la pose réelle. Le sabellien, jaloux à l'excès de l'unité de Dieu, fait violence à tous les passages de l'Écriture, qui distinguent le Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'arien moins scrupuleux associe au Créateur deux êtres créés, malgré les décisions les plus précises, et si souvent réitéré de l'écriture, contre le polythéiste, et contre l'idolâtrie. Le sabellien est unitaire dans le vrai sens de ce terme, et l'arien est un vrai trithéite. Disons-le en un mot, le sabellien croit en un seul Dieu sous trois noms différents, et l'arien croit trois êtres auxquels il donne le nom commun de Dieu. C'est-à-dire, comme je m'exprimais tantôt, que l'un dit blanc, et que l'autre dit noir, que l'un dit oui, et que l'autre dit non, que le sabellien affirme ce que l'arien nie, et que l'arien à son tour affirme ce qui est nié par le sabellien. Il ne me semble pas qu'on puisse en douter, si l'on se souvient de l'exposé historique que j'ai donné ci-dessus, de l'un et de l'autre système, et surtout si l'on pèse bien ce que l'historien Socrate a dit de la naissance et des causes de l'arianisme. Note. La paraphrase que le sieur Mainbourg a faite de cet endroit de Socrate mérite la lecture des gens non lettrés qui veulent savoir la différence des systèmes ariens et sabelliens et les raisons philosophiques de l'un et de l'autre. Voir Histoire de l'arianisme, tome 1er. Fin de la note. On voit à présent ce que c'est que joindre ces deux systèmes pour en faire un seul corps. C'est adopter deux contradictoires, c'est dire du même sujet qu'il est et qu'il n'est point, c'est réunir l'affirmative avec la négative, et c'est là, sans autre qu'est le système prétendu nouveau sur la Trinité. On y affirme qu'il n'y a qu'un Dieu, et trois êtres dont chacun est Dieu, qu'il n'y a qu'une personne divine, et qu'il y a trois personnes divines, que la distinction des personnes n'est qu'une manière d'être, et qu'elle est de substance à substance, qu'avant l'incarnation, la deuxième personne était la même divinité que le Père, et n'était pourtant en qualité de deuxième personne qu'une intelligence finie, que la divinité est indivisible, et que cependant son union avec deux êtres, crée et constitue trois personnes divines, etc. Dans le sens à rien la chose est, dans le sens sabellien elle n'est pas. Voilà le chef-d'œuvre de notre théologien. Voilà le plan qu'il propose, et qu'il veut absolument que l'on suive, pour rendre la religion respectable à ses ennemis, pour faire cesser nos disputes, et pour réconcilier les chrétiens. La méthode, en effet, est merveilleuse, et ne peut manquer de succès. À la suivre, il n'y a presque point de parti qui n'y trouve son compte, et qui n'y ait gain de cause. Il n'y aurait qu'à étendre un peu plus le système, ou qu'à en faire d'autres, dans ce goût sur tous les sujets controversés dans l'Église, et nous verrions bientôt, à la lettre, les loups être tranquillement avec les agneaux. Je voudrais seulement que l'on porte à l'impartialité un peu plus loin que celle de l'auteur. Il a bien fait un projet de compréhension pour tous les hérétiques, mais il y a négligé le soin des orthodoxes. Il n'y a que ces pauvres, que ces infortunés, que ces malgracieux orthodoxes qui ne peuvent acheter la paix qu'aux dépens de leur confession de foi. Les confessions de foi de Sabellius et d'Arius subsisteront honorablement dans leur entier, mais il faudra retoucher celle des églises wallonnes, ou plutôt celle de toute l'église chrétienne. Pourquoi cela? Pourquoi donner cette mortification aux orthodoxes? Pourquoi ne pas incorporer leur système dans le système commun? Est-ce que trois propositions contradictoires coûtent plus à dire que deux? Ou, qu'à l'exemple de Mahomet, l'auteur se contente de réunir deux parties assez faibles, pour en attaquer un troisième, sans comparaison plus nombreux et plus puissants que les autres? Quelque juste sujet que cette considération me donna de me plaindre de lui, je veux bien lui donner charitablement un avis. C'est que pour parvenir aux heureux effets qu'il en attend, son système a besoin d'être amplement revu et augmenté. Il y reste 1000 rectifications à faire. Dans l'état où il l'a produit, il n'est encore bon que pour les gens qui veulent bien être hérétiques sans le savoir. Mais pour les personnes qui examinent, et qui ne prennent parti qu'avec connaissance de cause, il est impossible qu'on leur fasse jamais goûter le projet d'être tout à la fois sabellien, arien, unitaire et trithéite. Il y a peu d'esprit assez faux pour digérer une association si monstrueuse, et si ceux de cette espèce s'en accommodent, ce ne sera point pour terminer les disputes, ce ne sera que pour les rendre actuellement éternelles. Oui, monsieur, un système, comme celui-ci, est tout ce qu'il faut pour des esprits de ce caractère. Ils aiment à chicaner, à ergoter, à souffler le chaud et le froid. Ils ont toujours un magasin de distinctions qui ne leur coûte rien, et les contradictions ne leur coûtent pas davantage. Vous ne sauriez les presser si fort qu'ils ne vous échappent par quelque endroit, et comme ils ne disputent que pour le plaisir de disputer leur sort et de soutenir indifféremment le pour et le contre. Quel trésor n'est-ce donc pas, que le plan de l'auteur, pour des gens de la sorte? Avec ce bouclier, ils vont être invincibles, quelque thèse qu'ils veuillent défendre, ou quel que ce soit de leurs sentiments que l'on attaque. Dites blanc, ils diront noir, dites ensuite noir comme eux, et vous serez tout surpris qu'ils viendront à dire blanc comme vous le faisiez. Voulez-vous en faire l'essai? Cherchez dans la lettre d'un théologien, la page 17. Vous y trouverez ces paroles, « Je soutiens que la distinction des personnes est une distinction de substance. » De la passer à la page 36, et vous verrez que, dans son système plus intelligiblement que dans aucun autre, les trois personnes sont trois manières d'être de la divinité. Comment vous y prendriez-vous, je vous prie, pour disputer contre lui? Ou comment espéreriez-vous de le vaincre? Vous voyez bien qu'il est à couvert de tous les côtés. Si vous alléguez contre lui, des passages de l'Écriture qui combattent la distinction des substances, il vous répondra gravement que, dans un sens cela ne fait rien contre lui, parce qu'il croit une distinction de mode. Argumentez-vous après cela contre la distinction de mode? La scène change, dans un sens encore vous ne lui prouvez rien, parce qu'il est pour une distinction de substance. Dites lui, ou le non, c'est tout un, il y a toujours un sens où il a raison, et en quelque sens que ce soit vous aurez toujours tort. À moins que vous ne puissiez vous résoudre à dire comme lui oui et le non tout ensemble. Que dites-vous de cet abrégé des controverses, de ce projet merveilleux de pacification générale? Pour moi, je suis persuadé que bien loin que ce système soit propre à terminer les disputes, il ne peut servir qu'à les rendre plus vives, plus aigres, et plus destructive de la charité. C'est une réflexion que j'avais déjà faite avant que d'avoir lu la première partie du tome 14 du journal littéraire, mais dans laquelle cette lecture m'a puissamment confirmé. Dans l'extrait que les auteurs de ce journal ont donné, de la lettre d'un théologien, il semble appréhender que l'esprit de douceur ne règne pas dans les réponses, et ils censurent, d'avance, les théologiens qui feront cette faute. Il est à souhaiter, disent-ils, que notre auteur trouve ses dispositions de douceur et de charité, dans tous ceux qui liront son ouvrage, car on ne peut disconvenir, que la matière ne soit de l'ordre de celles, qui émeuvent les esprits, et qui ont donné lieu souvent à des disputes fâcheuses. Cette leçon anticipée me donne lieu de craindre qu'il ne me blâme de la manière dont j'ai traité l'auteur, et j'en serai véritablement mortifié, parce que tant qu'on peut entrevoir des écrivains anonymes, il n'est aucun de ces messieurs que je n'estime. Mais quelque jugement qu'ils portent de mon ouvrage, j'entre tout à fait dans leurs pensées. Et je crois comme eux que ce système est de l'ordre de ceux qui donnent lieu à de fâcheuses disputes. J'ajoute seulement que des disputes, sur le pied de ce système, serait plus que fâcheuse, car elle serait pour ne finir jamais, et d'une animosité à se battre, faute de le pouvoir entendre. Telle étant l'idée que je m'en fais à le considérer comme un projet de réunion, vous concevez aisément, monsieur, qu'il me paraît plus funeste qu'utile par rapport à l'honneur de l'écriture et de la religion chrétienne. La chose va sans dire, et tout le monde comprend l'avantage qu'en tireraient contre nous les athées, les déistes, les juifs, les mahométans et les païens. D'ailleurs, je ne vois pas que les transsubstantiateurs fussent plus mal dans leurs affaires si l'on adoptait le système avancé par l'auteur. En adoptant ce système, il y aurait toujours, dans le symbole chrétien, un Dieu en trois personnes, et l'on y aurait, de surcroît, la triste nécessité d'admettre pour vrai le pour et le contre. Si c'est par une logique semblable que la transsubstantiation doit tomber, quel risque ne courons-nous point de la voir se soutenir jusqu'à la fin des siècles? Mais pourquoi tomberait-elle jamais, si elle est fondée dans la révélation comme l'est la foi d'un Dieu en trois personnes? Ou pourquoi ne peut-on la faire rayer du symbole chrétien qu'en effaçant de ce même symbole la trinité consubstantielle des personnes divines? J'oserais bien assurer l'auteur que pour combattre les transsubstantiateurs, son secours nous est peu nécessaire, et je ne lui conseille pas même de le mettre entre deux. Si c'est pour cela qu'il a publié son système, page 33, c'est une conscience bien extraordinaire que la sienne, puisqu'elle lui a fait des reproches sur son silence. Il peut voir à présent que ce système est plus pernicieux qu'utile à l'Église, et si je l'ai bien jugé des choses, il est à craindre que Dieu lui demande bien plus compte du talent dont il a abusé que, ibidem, du talent qu'il aurait enfoui. Quelque grande que soit l'idée qu'il s'est faite de la découverte, ou quelque grande que soit celle qu'il a tâché d'en donner au public, on doit se convaincre, sur le peu que je viens d'en dire, que son système n'est bon qu'à faire du mal. Il rendra plus faible la foi des infirmes, il fera naître des doutes aux simples, il réveillera des disputes qui étaient en quelque sorte assoupies. Il répandra, dans le vulgaire, des semences d'arianisme ou de sabellianisme. Il sera cause que l'esprit intolérant se croira nécessaire, il aura fourni la première étincelle d'un feu qui peut faire de grands ravages, il apprêtera matière à rire aux libertins, il les munira d'une autorité pour sauver leurs équivoques, leurs inconsistances, leurs contradictions éternelles. Voilà une partie des biens qu'il aura fait à l'Église. Aux consciences, conscience, pourquoi faut-il que l'on vous mette en jeu dans tous les mauvais coups que ce système l'ont fait? Ce système est d'ailleurs chargé de difficultés et de contradictions. Cet endroit de mal-être vous paraîtra fort, monsieur, et peut-être que la chaleur, que j'y témoigne, ne vous plaira pas. Attendez pourtant à me condamner, que vous ayez lu la suite. Vous y verrez si l'on peut parler de sang-froid d'une entreprise pareille à celle de l'auteur de la lettre. Passe encore, si son système n'était qu'inutile. Passe même s'il n'était propre qu'à faire du mal. Un écrivain s'éblouit aisément, il se prévient, sans peine, en faveur de son ouvrage, il s'en entête si fort qu'il y voit mille excellences que tout autre que lui n'y voit point. Mais que dirons-nous d'un homme qui donne un tissu de contradictions grossières et d'inconsistances anti-scripturaires pour l'unique système de la raison et de l'écriture? Quel nom lui donner? Et quel fond inépuisable de douceur ne faudrait-il pas posséder, pour n'être pas un peu irrité? Rassurez-vous pourtant, monsieur, Je tâcherai de me modérer, et pour vous marquer mon respect, je veillerai sur ma plume. Bien loin de grossir les objets, je les diminuerai tout autant qu'il me sera possible. Je ferai même quelque chose de plus. Au lieu d'articuler toutes les contradictions et toutes les difficultés du système, je n'en marquerai que quelques-unes de celles qui me paraissent les plus frappantes. La quantité ne vous effraiera pas, il n'y aura que la qualité qui puisse le faire, et qui le fera sans doute. Mark M. Dan, archive.org d'après booksgoogle.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.